mal, ma gueule. Ce qu'il y a de plus dur pour un homme qui habiterait Villeneuve et qui veut aller vivre à Hong Kong, c'est pas d'aller à Hong Kong, c'est de quitter Villeneuve. C'est ça qui est difficile. C'est que ça qui est difficile. Parce qu'après Hong Kong, tout s'arrange. J'aimerais bien te parler de la squale. De la squale avec sa maman, du caddie de son cerf-volant. J'étais mignon, pas un voleur. J'ai grandi, je suis allé voler. C'est bon, je reprends le volant. Fini de dealer, fini de barber. Des barres de rire avec Zozo, des pleurs, des cris. Avec Bendero, ça se fait courser. Avec Shemsou, les deux pétou à la chevou. Ça faisait de la boucherie sur Paris, la bouche fermée. Devant le PJ, arrogant, un guerrier gris. Je te dis d'avance que tu y es gris. Par la PJ, par les commis, j'enchaînais les commissions. J'étais tout petit, je voulais des ronds. Arrondir les fins de mois, voir moins faim, voir moins froid aux arrivants. Je fumais du sang, fumais sous ce cas, je me pète les reins. Je pète les rages, au gros, je veux faire péter Bendero. Le big sense pour de la coco, c'est bon que ça fait en crocodile. Connard, je suis pas débile, personne va débiter sur moi. Je suis en retard, char de la nan de bois, fatigant et tarotka. Fermement, je ne signerai pas les seuls mandats, c'est ce dit de mal. La seule qui se bat, la seule qui a mal et malhonnête. Sont tes potos, je suis au bigot avec Soso, il est là-bas comme les deux autres. Si t'as pas de couilles là-bas, tu te votes. Et si t'as pas de pote, gros, c'est pas grave. Et trois dont je parle, gros, c'est des bras. Moi, je viens de la rue, j'en ai pavé, ça laisse des traces, ça rend paro. Celle-ci, ma gueule, c'est pour Bourgo. Caprici piche dans les chicots, tu leur demanderas pour les amis. Je revois Petito, charbonne pour lui. Je revois Rambo, couper le bédo. Je m'envoie moi-même, vendu bédo. Je m'envoie tout seul dans ma cellule. Je revois le zéro sur mon pécule. Maintenant tout change, moi j'ai osé. Maintenant la squad, il veut manger. J'ai déjà dit que j'allais y aller. Sur la route, ma gueule, je suis. Je fais pas de stop, ma gueule, je suis. Pour le futur, bon, rien n'est sûr. Et ce qui est sûr, c'est que je suis tout seul et pas en canier qu'on fait du sale. La squad, ma gueule. En direct de la cellule. Force à Mocha avec un nouveau slogan. Faites percer la squale. Ah la squale poteau, ça arrive lourd lourd lourd. En direct de Fresnes. Eh ben tous vous en parler, bande de fils de pute, accrochez-vous, ça arrive.